Bismillahirrahmanirrahim. Dans le dernier vers, nous avons appris que cette da'wa est une da'wa qui n'appelle pas à recevoir de biens et à réclamer aux gens de leurs biens. Et d'ailleurs, Shamok Bouyah Hamdou Ta'ala a une risala Mufida, La'alallah yusiruna bil ta'liq alayha, de pouvoir la commenter, de la lire, la traduire, qui est Zam al-Mas'ala, qui est le blâme de la demande, le fait de demander aux gens de leurs biens, et principalement au nom de la da'wa. Principalement au nom de la da'wa. Ce qui est pire, comme Cheikh Mogoul le disait, que demander de l'argent pour, sa propre personne. Car celui qui fait cela, qui est mendiant pour sa propre personne, ne nuit qu'à lui-même, il ne représente que lui-même. Celui qui parle au nom de la religion, lui, ça nuit toute la religion en faisant cela. Les gens voient et disent, regardez les musulmans, ils sont des mendiants, ils sont tout en train de réclamer de l'argent aux gens, ils n'ont rien du tout, et ainsi de suite. Et principalement les salafis. Principalement les salafis. « Qala wa ahli sunnati » يَتَزَلَّفُونَ إِنِ الْمَسْئُولِينَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يُصْفِحَهُمْ. Que les gens de la sunna ne s'en prennent pas aux dirigeants et qu'ils invoquent Allah Azza wa Jal qui leur accorde la réforme. فَأَهْلِ السُنَّةِ لَا يَتَزَلَّفُونَ إِلَى الْمَسْئُولِينَ لِيَتَّخِذُوهُمْ سُلَمَانَ وَلَا يُزَاحِمُونَهُمْ عَلَى كَرَسِيِّهِمْ وَيُزَاحِمُونَ صَاحِبَ الْجَاهِ عَلَى جَاهِهِ وَلَا صَاحِبَ الْمَنْصَبِ عَلَى مَنْصَبِهِ. Donc en même temps je corrige là, j'ai mal traduit le titre, en fait, c'est que les gens de la sunna ne cherchent pas à se frotter, on va dire, à fréquenter les responsables, c'est-à-dire les dirigeants, en vue de les prendre comme moyen de pouvoir monter leur personne. Ils fréquentent les dirigeants afin d'obtenir des choses. Ni ne font obstacle, c'est-à-dire à leur pouvoir, de leur prendre leur place. Ni avec les gens qui ont un haut rang, pour prendre leur rang, ni ceux qui ont un haut poste pour prendre leur poste. Les gens de la sunna ne sont pas autour de cela. وَلَا تَزَلَّفُونَ إِلَى الْأَلِ الْأَمْوَالِ وَتَزَلَّلُونَ لَهُمْ تَمْعًا فِي دُنْيَاهُمْ لِيَنَا ذَلِكَ إِهَانَةً الْعِلْمِ وَالْعِلْمِ عِنْدَهُمْ أَرْفَعَ مِنَ الْكَرَاسِي وَالْمَنَاصِبُ الْأَمْوَالِ. Également, ils ne viennent pas à se mélanger volontairement et à fréquenter des gens riches et à se rabaisser devant eux en vue de recevoir de leur part. Car cela est un rabaissement de la science. Et la science, pour eux, est plus haute que les sièges qu'on pourrait obtenir au Parlement, ainsi que les hauts postes et ainsi que l'argent, bien évidemment. Ce qui joue un peu le bête précédent que nous avons pris. وَقَدْ دَرَبَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْوَادِعِي رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَرْوَعَ الْأَمْثِلَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فِي هَذَا الْبَابِ حَيْثُ غُرِضَتْ عَلَيْهِ الْمَنَاصِبُ الْعَالِيَةُ وَالْأَمْوَالُ الْكَثِيرَةُ فَرَكَلَ الدُّنْيَا بِقَدَمَيْهِ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ الْكَرَاسِيَ لَا تُسَاوِي عِنْدِي بَعْرَةً وَيَقُولُ صَلَى الْعِلْمُ عِنْدِي ألذ من كل شيء ويقول إذا فتحت الصحيح البخاري أو الصحيح مسلم وقلت حدثنا وأخبرنا نسيت عموم الدنيا وهمومها. Il dit que Cheikh Mokbil, Rahmallahu Ta'ala, fut un exemple en cette époque parmi les gens qui ont plus de wara, qui délaissent les choses qui pourraient leur nuire dans l'au-delà. Du fait que, justement, toutes ces choses-là lui ont été exposées devant lui. Il a eu l'occasion d'avoir des hauts postes, d'avoir beaucoup d'argent. Et pourtant, il a donné un coup de pied dans tout cela. Et il disait, Cheikh Mokbil, que certes, ces sièges, c'est-à-dire au Parlement, pour moi, ne valent pas un crottin. Et il dit également, la science est devenue auprès de moi ce qui est de plus délicieux, de plus plaisant. Et il disait, lorsque j'ouvre Sahih al-Bukhari ou Sahih al-Muslim, et que je dis « Haddathana wa akhbarana », c'est-à-dire que je cite les chaînes de narration, j'oublie tous les troubles et les soucis de la dunya. « Fa'ahli sunnati yakuluna bilil mas'ulin » ابقوا في مناسبكم فنحن لا نريدها نريد منكم فقط ان تتمسكوا بكتاب ربكم وسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم كي تنقذوا انفسكم من النار ومن اجل ان ننجو نحن واياكم من عذاب الله. Donc il dit, les gens de la sunna disent aux dirigeants, aux gouverneurs, gardez vos postes pour vous, nous n'en voulons pas. Nous voulons de vous seulement que vous accrochiez au livre de votre Seigneur et la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم, afin que vous préserviez du feu, que nous puissions réussir, nous ainsi que vous, et être préservés du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Donc, soyez des gouverneurs, mais des bons gouverneurs. Et mais votre poste au gouvernement ne nous intéresse pas. Cela ne nous intéresse pas. N'ayez pas peur de nous, de quoi que nous allons faire, masalan, un soulèvement ou des rébellions pour prendre votre place. Cela ne fait pas partie de notre da'wah. Donc, quand kana salaf, rahimahumullah, yuzahiduna fil manasib, أبو قلابة عبد الله بن زيد الحرمي طلب للقضاء فهرب وكان ابن حجر في التقريب تذهب قال مات هاربا للقضاء. Donc les salafs étaient les gens qui s'éloignaient le plus justement de ce genre de poste. Abu Qilaba, Abdullah Zayd al-Harami, il lui a été demandé d'être un juge officiel pour son pays. Et il s'est sauvé. Ibn Hajar dit dans sa biographie qu'il est mort en fuyant justement du poste de juge. Sufyan al-Thawri également, il lui fut demandé d'être juge et il s'est sauvé de cela. Il a fait en sorte d'esquiver cela. Il cita plusieurs parmi les salafs à qui cela fut demandé et qui refusèrent tous de prendre ce poste-là. Car les salafs étaient parmi les gens qui s'éloignaient le plus des gouverneurs. Ils les respectaient, ils leur donnaient leurs droits, mais ne restaient pas auprès d'eux car le gouverneur est une fitna. Est une fitna pour ta religion. Et certains même, lorsqu'ils furent demandés d'eux d'être des juges ou quoi, ils ont joué la comédie pour se faire passer pour des gens, mathalène, étourdis. Comme ce fut le cas, mathalène, de Sufyan al-Thawri. Lorsqu'il fut convoqué auprès du gouverneur pour qu'il lui accorde un poste, il s'est fait passer pour une personne étourdie, par exemple. Ou d'autres disaient au gouverneur, mettaient leurs deux doigts devant leurs yeux, en disant, je n'ai pas vu avec ces deux-là depuis un an. Ça veut dire, le gouverneur croit qu'il est aveugle, et en réalité, lui, dans son cœur, il vise par là ses deux doigts. C'est-à-dire, je ne vois pas avec mes doigts depuis. Donc, ils visaient de différentes façons pour pouvoir éviter ce genre de poste et se sauver et de s'éloigner des gouverneurs. قال وهكذا إخواني في الله كان علماؤنا يفرون من الوظيفة بخلاف معاصرينا فإنه يسيل لها لعابهم بل ربما يفني أحدهم عمره في طلب العلم وفي النهاية ينتهي به الحال إلى أن يعطي رشوة من أجل أن يكون قاضيا. Donc les ulama c'était comme ça, ils se sauvaient justement dans ce genre de poste, contrairement à beaucoup de contemporains qui, eux, on les voit baver devant ce genre de poste. Il se peut que certains d'entre eux passent leur vie à faire talab al-ilm, à apprendre la science, pour au final finir à donner des pots de vin pour devenir juge. قَالَ وَتَلَبَ الْمَهْدِيُ الْإِمَامَ مَالِكًا أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ وَيَخُصُّهُ بِالْحَدِيثِ فَعَقَدَ الْإِمَامَ مَالِكَ مَجْلِسًا عَمَّنْ فَقَالَ الْعِلْمُ يُؤْتَى وَلَا يَأْتِي. Que le Mahdi, qui était le gouverneur à l'époque de l'imam Malik, l'avait convoqué afin qu'il donne des cours en privé pour qu'il apprenne le hadith. Et l'imam Malik, dans son cours général, a dit « La science, on vient vers elle, ce n'est pas elle qui vient vers toi. » قَالَ وَلِلْأَسَفْ أَنَّنَا رَأَيْنَا طَلَبَةَ الْعِلْمِ اسْتَفَادُوا حَتَّى صَارُوا مُبَرِّزِينَ صَارَ يُشَارُ إِلَيْهِمْ بِالْبَنَانِ ثُمَّ تَرَكُوا هَذَا الْخَيْرَ الْعِلْمُ وَالتَّعْلِيمُ وَالدَّعْوَةُ وَصَارُوا يَبْحَثُونَ عَنْ مَطَامِعِ الدُّنْيَوِيَّةِ إما في جمعية وإما في وظيفة والبعض يبحث عن فيزا ليكون إمام مسجد في بعض دول الخليج والله المستعان. Notre grande tristesse, nous avons vu certains parmi les étudiants de sciences qui ont profité grandement. Ils sont venus des gens qui ont excellé dans le domaine. Des gens vers qui on envoie les gens qui sont des références pour la Ummah, des toulab et des grands toulab, des grands étudiants. Et par la suite, ils ont délaissé tout ce khayr, qui était la science, qui était l'enseignement, qui était la darwa, et ils se sont mis à chercher justement des choses apportant les biens mondains, soit par le biais d'associations qui réalisent de l'argent pour eux, ou soit par le fait d'obtenir un poste à haute fonction. Et certains cherchent même à obtenir des visas pour être imam dans un masjid dans des pays du Golfe, c'est-à-dire pour être imam dans un masjid avoir une grosse paye en échange. Donc tout cela pour dire que les ulama, parmi les salafs, c'était des gens qui avaient de la suffisance, se contentaient de ce qu'ils avaient, et avaient la certitude de la voie qu'ils suivaient. Et éviter absolument de se retrouver chez les gouverneurs. Ni de les fréquenter, ni de faire preuve de fausse politesse envers eux, et de faire preuve de concession avec eux. Cependant, comme il dit, « Wa ma'aza kanu yad'ouna lahum bil-hidayah wa s-salah wa al-mu'afah wa adam ad-du'a alayhim wa adam sabbihim wa shatamihim fa inna hadhihi al-mas'alah min ma'alim da'wat al-sunnati wa jama'ah. » Et malgré cela, ne pas qu'on puisse croire penser le contraire. C'est-à-dire que ces salafs, ces ulama, jusqu'à aujourd'hui, invoquaient pour eux qu'ils obtiennent la guidée et la réforme et qu'ils soient préservés, appelant à ce qu'on n'invoque pas contre eux, ni qu'ils soient insultés ou offensés à travers les paroles des gens. Et cela, c'est parmi justement les points de la dawa des gens de la sunna qui n'appellent pas à la sortie contre les gouverneurs, ni à se soulever contre eux, ni à les critiquer de façon illégitime. وقال الإمام البهبهاري في كتابه السنة وإذا رأيت رجل يدعو على السلطان فعلم أنه صاحب هوى وإذا رأيت رجل يدعو للسلطان بالصلاح فعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. L'imam Al-Barbahari dans son livre Sunna, il dit si jamais tu vois une personne qui invoque contre le gouverneur, sache que tu as affaire à un fureur de passion. Si jamais tu vois l'homme qui invoque pour lui, c'est-à-dire pour qu'il obtienne la réforme et la guider, alors sache que tu as affaire à un sunni, inshallah ta'ala. Et cite un différent exemple de salaf qui invoquait pour le gouverneur en disant que si jamais j'avais une da'wa, une invocation qui devait être exaucée, je vais l'accorder au gouverneur. Car le gouverneur, si on invoque pour lui, ça doit être une réforme pour tous les musulmans, pour le pays, donc moi y compris. Alors que si jamais je fais une invocation pour moi, elle ne servira qu'à moi-même, à ma propre personne. Et ils disent également que si ce gouverneur il est injuste, son injustice ne lui nuira qu'à lui-même. Mais malgré cela, on n'appelle pas à sortir contre eux, ni à se soulever contre eux, ni à mal parler sur eux en public, auprès des indicats. Mais la nasiha se fait, et de façon légitime, c'est-à-dire en privé, ou alors également en blâmant l'erreur sans pour autant désigner ou nommer la personne, qui est le gouverneur lui-même. Naam. Hadhi min ma'alim da'wat al-sunnati wa jama'a. Contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui qui passent tout leur temps à critiquer les gouverneurs, à chercher les erreurs des gouverneurs et à les salir aux yeux des gens et à les rabaisser aux yeux des gens. Et on ne dit pas qu'il faut accepter l'erreur du hakim, on la blâme, on n'accepte pas et on met en garde contre l'erreur, mais cependant, cette façon d'agir a des normes légiférées, ce ne se fait pas n'importe comment et ni par n'importe qui également. Wallahu al-musta'an wa alhamdulillahi rabbil alamin.